Bizarrement, un astre aura aussi souvent changé de nature. D'abord répertorié comme une planète, puis comme une comète, puis comme un astéroïde, pour finir par être classé en 2006 avec Pluton dans une nouvelle catégorie, celle de planète naine, l'objet le plus gros de la ceinture d'astéroïdes. Elle est ce mois-ci à son périhélie, c'est-à-dire à sa position la plus proche du Soleil, ce qui devrait permettre de comprendre comment se produisent les geysers de vapeur d'eau observés à sa surface. Cérès, qui s'est formé au-delà de Neptune dans la ceinture de Kuiper, est indiscutablement un des corps les plus étranges du système solaire. Cérès, d'une ceinture à l'autre, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour lever les mystères de cet astre bien étrange, en effet, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à la Maison de la Radio Philippe Rousselot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Franche-Comté, chercheur de l'équipe Space de l'Institut UTINAM de l'Observatoire de Besançon. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Provence à Aix avec Pierre Vernaza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS et chercheur au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Vous pouvez suivre cette émission sur les ondes de France Culture comme chaque jour. Et si ça fonctionne à nouveau, peut-être chez vous en tout cas, ça ne fonctionne plus ici, sur notre fil Twitter, @laméthodefc, en espérant que ça revienne au cours de l'heure. Voilà, alors pour commencer, eh bien on va revenir sur cette classification qui n'a cessé de changer. Finalement, une classification définitive assez récente de Cérès, hein, puisque c'était en 2006, ou plus précisément de 1 Cérès, puisque c'est également le premier objet observé de la ceinture d'astéroïdes, planète naine. Ça y est, on est sûr, Pierre Vernaza, aujourd'hui ça va plus bouger, Cérès est une planète naine une fois pour toutes. Oui, je pense que la définition, enfin, vu la définition de la planète naine, c'est-à-dire un objet en équilibre et hydrostatique, Cérès rentre dans cette catégorie, tout comme Pluton l'est, tout comme un certain nombre d'objets transneptuniens. Et ensuite, il y a des candidats putatifs parmi les objets transneptuniens, mais a priori, Cérès devrait bien rester accroché à cette position. Pierre Vernaza, sur cette question, c'est sûr, Cérès est une planète naine, maintenant ça ne va plus changer, ça ne va plus bouger. Si la définition de la planète naine ne bouge pas, Cérès devrait rester une planète naine, et a priori la seule d'ailleurs de la ceinture d'astéroïdes. Pourquoi est-ce que cela a été si compliqué de définir précisément la nature de Cérès ? Alors, la nature, vous voulez dire la nature physique, enfin ce statut de planète naine, pourquoi est-ce que ça a changé à autant de reprises au cours de son histoire ? Tellement de la faute de Cérès, en fait. c'est plutôt de la faute aux objets transneptuniens, au départ. Alors après, bon, si on fait un historique, c'est un peu compliqué. Bon, d'abord, Cérès a été le premier astéroïde découvert en 1801. C'était la nuit du jour de l'an 1801. Un certain Giuseppe Piazzi, directeur de l'Observatoire de Palerme, vérifiant la position d'étoiles, donc évidemment à l'œil, à l'époque il n'y avait pas les plaques photo, se rend compte qu'il y a une étoile, entre guillemets, qui se déplace dans le champ qu'il observe. Il en conclut naturellement que c'est une planète. Alors pour lui, c'est une planète. Il se trouve à l'époque que la loi de Titus Bode prédisait l'existence d'une planète, entre guillemets, entre donc Mars et Jupiter. Donc il va suivre donc Cérès pendant 3 semaines, je crois. Il va relever sa position, après il la perd. Un an plus tard, il y a des collègues, c'est Olbers, je crois, qui refait les calculs et qui réussit à retrouver Cérès et d'autres. Le 31 décembre d'ailleurs, exactement un an pour tard, le jour pour jour. C'est ouais. Ça, oui. Et ça a été compliqué parce qu'il fallait quand même recalculer l'orbite. Et donc au début, en fait, les gens pensaient avoir trouvé une planète, effectivement. Et alors apparemment, il y aurait des livres d'astronomie du 19e, du début du 19e, qui donnent, je crois, 17 planètes dans le système solaire, parce qu'après, on a trouvé d'autres. Hein. Il y a eu Pallas, Vesta, enfin, il y a eu d'autres astéroïdes, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui des astéroïdes qui avaient été découverts. Et donc déjà au début, même au 19e, le statut de planète s'est posé. Puis bon, au bout d'un moment, quand même, ils se sont dit... Ouais, c'est quand même petit par rapport à Mars, à Vénus, à Jupiter encore plus. Donc ça a été déclassé, ce sont devenus des planètes, enfin des astéroïdes au final, des petites planètes, des astéroïdes. Et la question s'est reposée des années plus tard, d'abord qu'on a découvert Pluton en 1930, mais surtout, donc qui était une 9e planète à l'époque, et surtout beaucoup plus tard, à la fin du 20e siècle, qu'on a trouvé un nombre assez élevé d'objets transneptuniens, donc similaires à Pluton, et au début du 21e, on a fini par en trouver un, donc c'était en 2005, c'était 2003 IB313, donc qui avait une taille qu'on estimait similaire à Pluton. En fait, au début, on l'estimait plus grand, mais enfin, similaire à Pluton. Donc, ça reposait encore une fois le problème de la définition d'une planète. Si Pluton était une planète, ben, il n'aurait finalement pas 9, mais 10, 11, 12, etc. Donc, finalement, l'Union astronomique internationale a dû revoir la définition d'une planète et ajouter comme condition, non seulement c'est un corps qui tourne autour du Soleil, qui est sphérique, donc qui est suffisamment gros pour équilibrer les forces hydrostatiques, mais qui, en plus, domine son orbite. Donc ça excluait d'un seul coup à la fois Cérès, qui de toute façon n'était plus une planète depuis longtemps, et également Pluton, 2003-313, qui depuis a été rebaptisé Eris, d'ailleurs, le dieu de la discorde. Oui, c'est ça. Oui. Qui domine son orbite, c'est-à-dire, pour résumer ou le dire d'une autre façon, Pierre Vernazza, c'est-à-dire qui a fait le vide dans son orbite autour de lui, ce qui n'est évidemment pas le cas de Cérès, qui est au milieu de la ceinture d'astéroïdes. Absolument, exactement. Ce qui n'est pas finalement pas le cas de Pluton ou des transneptuniens également, qui n'ont pas nettoyé leur orbite, contrairement aux planètes, enfin aux planètes restantes, c'est-à-dire les 8 aujourd'hui dans le système solaire. Peut-être un mot, parce que Philippe Rousselot l'a évoqué rapidement, c'est intéressant ce calcul de Bode, c'est-à-dire que Cérès a tout de même été, et c'est l'un des rares objets, même si le calcul n'est pas juste et a été revu depuis, mais c'est un objet qui a été calculé avant d'avoir été observé, Pierre Vernazza. Oui, tout à fait. Sa découverte, entre guillemets, a été prédite. Finalement, c'est un peu dans la même idée que la découverte de Neptune, qui avait été également prédite mathématiquement par des calculs. Donc oui, effectivement, il y avait une prédiction d'un objet massif entre Mars et Jupiter, et il y avait une prédiction que cette zone ne serait pas vide, effectivement, et mais peuplée. Mais on ne s'attendait pas à trouver une ceinture de petits corps plutôt un objet plus massif. À quel moment comprend-on que Cérès n'est pas effectivement le seul corps autour de son orbite et qu'il y a entre Mars et Jupiter non pas une planète mais une ceinture d'astéroïdes, Philippe Rousselot? Très rapidement en fait, puisque l'année suivante en observant Cérès, il y a d'autres astéroïdes qui ont été découverts en 1802, 1803. Alors je crois qu'il y en a une poignée au départ qui ont été trouvés, après pendant 20 ans ils n'ont rien trouvé, puis après le rythme a dû reprendre. Enfin, en tout cas très vite on a compris qu'il y avait d'autres objets sur des orbites similaires à celles de Cérès. Mais il a quand même fallu attendre quelques décennies avant vraiment de les déclasser et de dire que c'était vraiment des astéroïdes. Oui, oui, c'est milieu, le Cérès est reclassé entre guillemets en astéroïde au milieu du 19e siècle, c'est ça? À peu quelque près. Chose comme ça, de oui, mémoire. Oui. Ça, oui. Pierre Vernazza, oui, vous confirmez? Oui, tout à fait, oui, complètement. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que Piazzi, hein, l'astronome italien, sicilien exactement, qu'il a observé depuis l'observatoire de Palerme, qu'il a d'ailleurs nommé Cérès en référence à la déesse romaine, évidemment, de l'agriculture et de la fertilité, mais qui est aussi la sainte patronne de la Sicile, voilà la raison de l'explication du nom de cette planète naine. Piazzi écrit « Puisque son mouvement est lent et uniforme, il m'a semblé à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir de quelque chose de mieux qu'une comète ». Pierre Vernazza. Donc on a vraiment longuement hésité sur la nature de cet objet qui passait effectivement très souvent dans le ciel nocturne, mais qui était par ailleurs parfois complètement invisibilisé, qui disparaissait des observations. Oui, tout à fait, oui. Enfin, c'est une phrase qui est restée assez fameuse d'ailleurs. Et oui, Cérès a beaucoup intrigué pendant de nombreuses années avant de se stabiliser en tant qu'astéroïde. Et astéroïde qui, à l'origine, veut dire comme une étoile, hein, star-like. Et tout à fait, oui, donc ces objets, Cérès en particulier, a beaucoup intrigué les astronomes. Avant de, finalement, de rentrer dans le rang au cours du 19e siècle, et malgré sa plus grande taille, être classifié définitivement comme astéroïde à cette époque-là. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h10, nous parlons de Cérès tout au long de cette heure en compagnie de Philippe Rousselot qui est avec nous ici dans le studio de France Culture à la Maison de la Radio et Pierre Vernazza qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos collègues de France Bleu Provence à Aix. Voilà donc Cérès, l'histoire de son identification, de sa classification qui, comme vous avez pu l'entendre, a changé à plusieurs reprises, a été fluctuante. Faisons peut-être maintenant sa carte d'identité en quelques chiffres si vous le voulez bien, qui veut Philippe Rousselot, Pierre Vernazza, que sa taille, sa révolution, Pierre Vernazza. Oui, bah donc la taille de Cérès est 940 km de diamètre, hein, donc si on le projetait un peu sur un plan, ça serait un peu plus grand que la France. Sa densité est de 2,1 grammes par centimètre cube, donc ça nous renseigne déjà que cet objet il n'est pas constitué que de roches, hein, dont la densité est à peu près 2-3, mais il doit également comporter de l'eau. Il a un albédo, c'est-à-dire il réfléchit la surface à peu près de 9-10%. Et enfin, sa révolution de 4 ans et quelques, autour du Soleil, un peu plus de 4 ans pour refaire le tour autour ans, du Soleil. Un peu plus de 4 ans et demi, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. 4,6 ans exactement. Petit détail également, la période de rotation, mm-hmm, 9 heures. 9 heures, c'est ouais. Important. Alors Pierre a parlé du diamètre. Bon, le diamètre équatorial évidemment est plus large que le diamètre polaire. Il y a une petite différence, mais c'était la moyenne. Ça va de 909 à 975 km. Et également la distance au Soleil, c'est un paramètre important. Parce que vous avez parlé du périhélie, donc elle passait au plus près du Soleil. C'est en ce moment-là, c'est au mois d'avril, et on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, ça va être intéressant. Donc en gros, c'est entre 2,5 unités astronomiques, donc 2,5 fois la distance Air-Soleil, jusqu'à 3, exactement 2,54 à 2,99. On a étudié Cérès à travers deux sources principales, le télescope spatial Herschel et donc la sonde Dawn qui est encore en orbite autour du Cérès. Que nous ont appris ces observations sur un certain nombre d'éléments, par exemple sur la géographie de Cérès, Pierre Varnaza? Alors avant de parler de géographie, je dirais que le résultat majeur qui a été incroyable via la mission Dawn, en fait, ça a été la variété de la composition de surface, enfin différents éléments qu'on a trouvés en arrivant sur place. Donc du sol, des observations terrestres, on avait vu que il y avait une bande d'absorption qui faisait penser soit à de la glace d'eau, soit à des silicates hydratés. Donc en arrivant sur place avec la mission Dawn, toutes les ambiguïtés ont été levées, on s'est rendu compte que la surface comprend de la glace d'eau, des silicates hydratés, des carbonates, vraisemblablement de la matière organique et des sels. Donc c'est vraiment un mélange incroyable qui n'a jamais été vu sur un astéroïde et qui est finalement une diversité qui rappelle un petit peu la diversité qu'on a sur Mars par exemple. Je veux dire, il y a vraiment une diversité géologique incroyable sur Cérès. Pour un petit objet comme ça, c'est assez révolutionnaire. Ça a été une découverte incroyable. C'est l'une des premières surprises, effectivement, Philippe Rousselot, Dawn, qui est arrivé en orbite en 2015, je parle sous contrôle. Oui. Ça a été une vraie surprise. On ne s'attendait pas du tout à cette composition-là. Je pense que ça a été précisé, pardon. Après, une vraie surprise, je ne sais pas. Non, il y a quand même des observations faites au sol qui donnaient des indices. Après, on avait une vue d'ensemble. Donc, on a apporté des surprises. Mais quand même, c'est vrai, c'était bien avant Dawn un objet très intéressant. Et on pensait, par exemple, qu'il y avait de l'eau. Comme l'a dit Pierre, par exemple, la masse volumique assez faible, qui est de 2,1, alors que c'est plutôt 3-4 pour d'autres astéroïdes, donnait l'indice qu'il y avait de l'eau. L'eau, en fait, avait été découverte par Herschel, enfin la vapeur d'eau, avant le passage de Dawn. C'est une publication de 2014 qui est basée sur des observations de 2011 et 2013, je crois. Et on en reparlera tout à l'heure dans le reportage du jour. Oui. Donc, Dawn a apporté beaucoup d'éléments nouveaux, évidemment. Et surtout, on a pu faire la géologie sur Cérès est identifiée avec beaucoup plus de tout un détail, un luxe de détails important, la composition de la surface de Cérès. Après, est-ce que c'est une grande surprise? Bon. Cérès, avant Dawn, était déjà un objet très, très intéressant. On va parler en détail de sa géologie, effectivement, pour revenir peut-être tout à l'heure sur sa géographie. Un mot, c'est-à-dire que l'une des surprises, l'un des clichés qui a beaucoup fait parler à l'arrivée de Dawn à proximité de Cérès, ce sont ces points blancs dans le cratère Docator. On a hésité, on a dit qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est de la glace, est-ce que c'est du sel. Aujourd'hui, on sait, Philippe Rousselot, exactement ce que sont ces points blancs et à quoi ça correspond. Alors, déjà, c'est une structure géologique qui est plus jeune que le cratère qui l'entoure. Alors, j'ai vu un article, j'ai revu un petit peu avant de venir, je crois que c'est 30 millions d'années plus jeune. Donc, Ocator aurait, je crois, quelque chose comme 40 millions d'années, enfin quelques dizaines de millions d'années. Mais la structure centrale est beaucoup plus jeune. Après, c'est sans doute de la glace qui sort, mais on ne voit pas directement la glace à la surface. Je pense pas. Prière pourra peut-être préciser. C'est quelque chose, en tout cas, qui serait une espèce de cryovolcanisme, une espèce de matière qui sort d'un point de vue géologique, donc au milieu du cratère, qui est beaucoup plus jeune, qui contient des sels, différents éléments hydratés, qui serait probablement responsable, sans doute, de l'eau qui est émise un petit peu, enfin en partie, de l'eau qui est émise par Cérès, la vapeur d'eau. Pierre Varnaza, sur la nature de ces fameux points blancs énigmatiques. Oui, alors je pense que les points blancs, ça... Alors, ça, vraisemblablement, c'est des sels, hein, on en est de plus en plus certain. Alors, des études récentes ont montré vraiment que ces points blancs sont systématiquement associés à des impacts. Donc, vraiment, leur origine s'expliquerait vraiment via impact, c'est-à-dire que l'impact vient élever un petit peu localement la température de surface. Et sachant que la glace d'eau n'est pas... Enfin, il y a de la glace d'eau en surface et elle n'est pas pure, c'est-à-dire qu'elle est mélangée à des sels, sa température de fusion est plus basse que la glace d'eau standard. Et ça permet finalement d'avoir une espèce de liquide sous la surface qui, enfin ça c'est l'interprétation, hein, remonte et favorise un petit peu, en quelque sorte, une activité, entre guillemets, cryovolcanique. Alors il y a une autre signature sur Cérès qui est extrêmement forte, extrêmement incroyable, c'est la présence d'un dôme. Dont l'âge est estimé à peu près à 200 millions d'années. Donc c'est une structure géologique très jeune. Et pareil, on évoque le cryovolcanisme pour expliquer son existence et son apparition. C'est de ça dont je voulais vous faire parler sur la géographie. Ce dôme qui est juste à côté d'ailleurs de Kator, qui ferait jusqu'à 4 km d'altitude, hein, c'est cela ? Exactement, 17 km à la base. Et alors lui, il est très récent, jeune, et donc il a une taille assez importante. Mais il y a d'autres... signes à la surface d'anciens dômes en fait qui ont été érodés avec le temps, mais on a vraiment l'impression d'en voir d'autres d'anciens qui ont été progressivement érodés par impact. Donc on voit que Cérès tout au long de son existence a été un objet actif et il l'est encore aujourd'hui puisqu'il y a des structures géologiques très jeunes à sa surface récente, disons contemporaine à l'échelle de nos temps géologiques. Ces dômes, ces volcans, est-ce que ça veut dire qu'on peut supposer, Philippe Rousselot, une activité tectonique peut-être sur Cérès, ou est-ce que c'est allé trop vite en besogne ? Je ne pense pas qu'on puisse parler d'activité tectonique. Enfin, après, ce qu'il y a dans le cœur de Cérès, ça c'est plus compliqué. Bon, certainement, de par la masse volumique, il y a de la glace d'eau, peut-être en profondeur un océan liquide, c'est possible, mais bon, pas encore démontré. Après, tectonique, ça supposerait quand même une activité interne. Je pense que c'est peut-être aller un peu vite en besogne quand même. Oui. Que peut-on dire aujourd'hui et que savons-nous de façon certaine que nous apprennent la mission Dawn, les observations d'Herschel sur la géologie donc, de Cérès, Philippe Rousselot ? Je crois que Pierre... Ou Pierre Vernazia, comme vous voulez, oui. Je peux étayer, c'est-à-dire que ce qu'on voit par exemple sur Cérès, c'est l'absence d'énormes cratères. Et ça nous dit que nécessairement la sous-surface contient de l'eau et qu'il y a une certaine forme de relaxation de la surface. D'ailleurs, avant d'arriver à Cérès, hein, certains se posaient la question, est-ce qu'on verrait des cratères ? Est-ce que ça ne serait pas quelque chose comme Ganymède ou Europe ? Enfin, Europe, c'est le cas le plus fort, où la surface est quasi lisse, à cause des forces de marée de Jupiter. Mais dans le cas de Cérès, on se demandait, dû à sa proximité du Soleil, si la surface était riche en glace, on ne verrait effectivement pas de cratères. Et c'était une surprise finalement de voir des cratères impliquant quand même une présence importante de poussière. Mais l'absence de gros cratères implique quand même la présence de glace d'eau en sous-surface à l'échelle de 30-40% en volume. Sur ces poussières justement de surface, là aussi, on estime que ces poussières-là viennent strictement de la position, qu'elles sont relativement récentes aussi, qu'elles proviendraient des collisions et de la poussière présente dans la ceinture d'astéroïdes, tout simplement, Pierre Vernazza ? Alors oui, alors c'était une des premières découvertes de Dawn, c'était pas sur Cérès, mais sur Vesta, 4 ans auparavant. C'était la découverte de poussière exogène à la surface de Vesta. Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, naturellement, les poussières qui sont très présentes, hein, dans le milieu interplanétaire et en particulier dans la ceinture d'astéroïdes viennent naturellement se déposer, impacter les surfaces d'astéroïdes et finalement les contaminer. Et sur Cérès, on avait effectué des observations dans l'infrarouge et on montrait qu'effectivement, il y avait une fraction de poussière qui était anhydre et qu'on avait beaucoup de mal à expliquer comme une d'origine endogène, mais plutôt comme une et donc de facto on l'expliquait comme une source exogène venant naturellement du milieu interplanétaire. Philippe Rousselot, sur ces poussières à la surface de Cérès, endogène, exogène, ça va nous amener progressivement aux hypothèses qui sont formulées sur l'origine de Cérès, qui ne se viendrait pas de cette ceinture d'astéroïdes là vraisemblablement. Ah, vraisemblablement. C'est une hypothèse. Là, on parle toujours de façon hypothétique. Hein. Alors, je vois. Effectivement, une hypothèse serait que Cérès ne se serait pas formé dans la ceinture d'astéroïdes, mais viendrait de beaucoup plus loin, de ce qu'on appelle donc la ceinture de Kuiper. Donc on parlait des objets transneptuniens, c'est ça, oui. La ceinture de Kuiper, c'est oui. Toute cette ceinture d'astéroïdes qui est aux confins de la dernière planète pour le moment, puisque, comme on l'a déjà évoqué ici, peut-être qu'il y a encore plus loin une neuvième planète, mais ça c'est une autre hypothèse dont nous avons déjà parlé dans d'autres émissions. Alors j'ai peut-être précisé les choses pour voir pourquoi ça pourrait venir d'aussi loin. Donc en fait, il faut revenir un petit peu au début de l'histoire du système solaire. Alors je vous rappelle en gros qu'il devait y avoir une nébuleuse primitive, donc à 4 milliards et demi d'années à peu près, qui a donné naissance non seulement au Soleil mais aux planètes. Donc il y a un disque de poussière, de gaz et de poussière qui s'est formé. Alors le gaz est resté quelques millions d'années. Et alors il y a deux... Enfin bon, j'essaie d'aller assez vite parce que c'est assez complexe. Vous pouvez donner, vous avez le temps de rentrer un peu dans les détails et de donner les éléments qui sont importants pour comprendre pourquoi on suppose que Cérès aurait pu migrer depuis les bords extérieurs du système solaire. Allez-y. Alors, donc si il y a deux éléments importants, enfin plusieurs éléments importants. Bon, au départ, on part donc de poussière et au final, on doit avoir des planètes qu'on observe aujourd'hui. Donc d'une part, les quatre planètes telluriques qu'on observe, donc qui sont petites, denses, qui ressemblent en gros à la Terre, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et ensuite, il faut expliquer les quatre planètes géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont non seulement beaucoup plus grosses, mais surtout qui n'ont pas du tout la même composition, qui sont des géantes gazeuses, formées essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Et donc, dans les modèles qui ont été élaborés pour essayer d'expliquer la formation du système solaire, dans la phase gaz, donc vraiment au tout début de l'histoire du système solaire, les derniers modèles, donc celui qu'on appelle le Grand Tac modèle, donc qui a été publié en 2011, donc assez récemment, imagine que Jupiter s'est formé relativement vite et en interagissant avec le gaz, a commencé à migrer en direction du Soleil. Et quand il a commencé à migrer, Saturne, qui n'était pas encore complètement formé, a continué à se former. Et au bout d'un moment, Saturne a atteint à peu près sa taille normale, on va dire, enfin actuelle. Actuelle, oui. Et a commencé également à migrer à l'intérieur à se rapprocher du Soleil. Et au bout d'un moment, est entré en résonance avec Jupiter. Et pour des raisons assez complexes d'interaction, toujours avec le disque de gaz, l'aurait littéralement remis à sa place initiale. En fait, le grand axe, c'est un terme de voile. On fait un virement de bord près d'une bouée, par exemple, ou... Et quand Twitter sera à nouveau, peut-être que ça l'est, mais à nouveau et bien sur pied, on pourra vous remettre un lien vers l'émission que nous avions consacrée il y a peu de temps, à l'automne dernier, aux origines du système solaire, où on avait pris le temps d'explorer justement toute cette question des formations, de la formation et de la migration des planètes du système solaire et des conséquences que cela a pu avoir, notamment sur les ceintures d'astéroïdes. Ouais. Alors, ce modèle en fait a été fait pour expliquer un élément un peu troublant pour les planètes telluriques, c'est que Mars est deux fois plus petite que la Terre à peu près, alors qu'on se serait attendu à avoir une planète beaucoup plus grosse. Donc le fait que Jupiter assez vite se soit rapproché du Soleil, jusqu'à une unité astronomique et demie à peu près, c'est la distance actuelle de Mars, a évidemment complètement perturbé les planétésimaux qui étaient à l'époque présents dans ce milieu-là, donc a perturbé ce qui forme aujourd'hui donc la ceinture d'astéroïdes. Donc ça c'est un premier élément, ça aurait sans doute fait un brassage assez important. Et donc une fois que Jupiter et Saturne reviennent à leur place, ensuite le gaz se dissipe, les planètes telluriques se forment complètement, mais ça n'est pas terminé. Il y a une deuxième étape qui se produit beaucoup plus longtemps après, donc quelques centaines de millions d'années après. Alors on a souvent dit 700 millions d'années, bon c'est peut-être pas un âge exact, mais disons dans les débuts de l'histoire du système solaire, mais quand les planètes étaient formées, en gros vous aviez les quatre planètes géantes et après vous aviez un immense disque de débris, donc composé plus ou moins d'objets similaires aujourd'hui aux objets transneptuniens, mais il y en avait à peu près 100 fois plus. Et là, il y a un autre phénomène qui intervient, c'est toujours des phénomènes de migration, mais liés à l'interaction gravitationnelle de ces petits corps avec les planètes géantes. Et ça, en particulier, ça fait bouger légèrement Jupiter et Saturne. Mmh. Et il y a un moment où les deux entrent en résonance. Quand Jupiter fait un tour autour du Soleil, quand Jupiter fait deux tours autour du Soleil, Saturne en fait un. Et là, littéralement, ça explose. Enfin, explose entre guillemets. Alors, il y a une animation très célèbre qu'on peut voir sur Internet par les auteurs du modèle. Voilà, qu'on pourrait vous mettre aussi sur le fil Twitter de l'émission si ce réseau social fonctionnait, ce qui n'est manifestement toujours pas le cas ici, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de Nice, puisqu'il a été développé par des chercheurs, soit résidents permanents à Nice, soit qui étaient à cette époque-là à Nice. Et ce modèle a été fait pour expliquer une supposée augmentation assez brutale des impacts d'astéroïdes sur la Lune, à peu près à 700 millions d'années. Bon, c'est depuis un petit peu rediscuté, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à ce moment-là, on peut avoir un brassage, et donc des objets lointains du système solaire, situés au-delà des planètes géantes, qui viendraient dans le système solaire interne et dans la ceinture d'astéroïdes. Donc, dans le cas de Cérès, ça pourrait éventuellement, ça donnerait une explication, un mécanisme dynamique pour expliquer pourquoi Cérès pourrait venir de plus loin. Ça donne aussi ce que vous venez d'expliquer brillamment et de façon extrêmement concise. Ça pourrait expliquer aussi, Pierre Varnaza, la composition actuelle, non pas seulement la présence de Cérès, mais la composition actuelle de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, qui est une composition très hétéroclite. Absolument, oui, on voit c'est la diversité de... Quand on voit la ceinture principale d'astéroïdes, on a vraiment l'impression d'avoir une version condensée du système solaire primordial. On a de tout, on a des objets basaltiques, on a des objets métalliques, purement métalliques. Hein. D'ailleurs, c'est de ces objets-là dont viennent les météorites métalliques. On a des objets faits de silicates, tout simplement, des silicates hydratés. Et puis enfin, des objets qui semblent être des grosses comètes, hein, des objets qui sont faits de glace et de poussière. C'est cohérent avec leur densité très faible, c'est cohérent avec des émissions de poussière et une activité type cométaire qui a été découverte lors des 10 dernières années. Et enfin, c'est cohérent avec ce qu'on observe sur Cérès. On a vraiment l'impression d'avoir un objet du système solaire externe qui s'est formé au-delà de la ligne de glace et qui aurait été implanté dans la ceinture principale suite à un épisode de migration qui reste à déterminer. Alors, je voulais étayer un petit peu ce que disait Philippe, c'est-à-dire que des modèles récents ont montré qu'en fait, la simple formation de Jupiter et de Saturne suffit déjà à implanter dans la ceinture principale des objets qui se trouvent à proximité de leur orbite. Donc, par leur simple taille et la perturbation qu'ils vont induire sur l'orbite des objets, des astéroïdes qui sont dans leur banlieue, ils vont naturellement les éjecter à travers le système solaire et certains vont se retrouver implantés dans la ceinture principale. Donc, même simplement par leur formation, leur grossissement, ces planètes géantes auraient implanté des objets du système solaire externe dans la ceinture principale. Et aujourd'hui, quels sont les éléments dont nous disposons, des éléments observationnels, qui accréditent précisément cette thèse selon laquelle Cérès se serait formé dans la ceinture de Kuiper, à l'extérieur du système solaire, au tout début du système solaire, plutôt qu'un élément initial de la ceinture d'astéroïdes, tel que vous venez de les définir l'un et l'autre, Philippe Rousselot. Je crois que Pierre... Alors, Pierre Varnaza, pardon. Cette question. Alors, là est toute la question. On est quasiment certain que Cérès s'est formé plus loin que Jupiter. Maintenant, je dirais que la deuxième grande question, c'est de savoir où il s'est formé exactement. Tous ces modèles dynamiques, ils considèrent à l'heure actuelle qu'il y a eu des objets, des petits corps entre Jupiter et au-delà de Neptune. C'est-à-dire qu'on balaye une distance qui va de 5 unités astronomiques à 40-50. D'accord ? Et maintenant, il s'agit de comprendre où exactement s'est formé Cérès. Et si c'est formé aux confins du système solaire, est-ce que c'est un frère jumeau des transneptuniens comme Orcus, par exemple, ou Quaoar, ou alors est-ce que c'est tout simplement un objet qui s'est formé dans la région entre Saturne et Jupiter? Ça aurait vraiment des implications très fortes, parce que à ce moment-là, on aurait des compositions quand même très différentes. La composition de la glace serait probablement différente. Donc ça, c'est la deuxième étape, et ça, pour l'instant, on n'a pas du tout tranché, les scientifiques n'ont pas tranché sur cette question, et probablement que ce serait judicieux d'avoir de nouvelles missions qui pourraient permettre d'adresser ces questions, en fait. J'ai lu en préparant cette émission que l'une des observations qui conduisait à cette proposition de modèle-là, c'est notamment à la surface de Cérès des argiles qui sont très riches en ammoniac, l'ammoniac étant un élément qui ne peut s'être condensé que beaucoup plus loin du Soleil que ne les Cérès aujourd'hui. Vous confirmez cette hypothèse-là ou cette observation-là, Pierre Varnaza ? Oui, tout à fait, exactement. C'est vrai que c'est un élément très fort. L'ammoniac qui est également vu parmi les objets transneptuniens, c'est bien les seuls petits corps parmi lesquels on le voit. Et donc c'est vrai que c'est ce lien, c'est vraiment un des éléments qui a permis de faire le lien et qui suggère très fortement un lien de parenté entre Cérès et cette population du système solaire externe. La quantité de glace supposée, la densité de Cérès est un autre de ces éléments, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que la glace, ou est-ce que c'est une question peut-être aussi de rapport isotopique de la glace sur Cérès? Est-ce qu'on le connaît, ce rapport isotopique? Et non, et on aimerait bien le connaître, justement, et ça serait une mesure fondamentale à collecter. On l'ignore, Le rapport isotopique, précisons que c'est le rapport hydrogène de thérium qui permet de savoir d'où vient la glace et où elle a été formée à peu près. Par exemple, on peut rappeler que la glace trouvée sur Rosetta n'avait pas le même rapport isotopique hydrogène de thérium que l'eau que l'on trouve sur Terre, et donc on suppose que ça donne des éléments de réponse à la provenance de l'eau dans le système solaire qui n'est toujours pas tranchée, Pierre Varnaza. Exactement. On se rend compte que, pour l'instant, on a un assez bon recensement du système solaire, qui est pas trop mal. On a une valeur des surages pour de nombreuses comètes. Hormis une, elles ont toutes un dessurage qui est très différent de celui de nos océans. Dessurage deutérium hydrogène, donc. Oui. Deutérium hydrogène, oui, tout à fait. Et on a aussi ce rapport isotopique pour les météorites, donc pour un certain nombre d'astéroïdes, mais Cérès, clairement, semble non échantillonné par nos météorites. Ça, c'est une des problématiques majeures, ce n'est pas le cas, par exemple, de l'astéroïde Vesta qui a été vu par Dono auparavant, pour lesquels on a pas mal de météorites dans nos collections. Et Cérès, on a apparemment aucun échantillon, et donc on a du mal à avancer pour des mesures, enfin, pour ces questions qui requièrent de la précision, qui requièrent d'avoir des échantillons dans nos mains ou à minima une intelligence embarquée qui serait à la surface de CRS. Mais Pierre, Philippe Rousselot, la question finalement c'est aussi sur est-ce que le fait qu'on soit aujourd'hui quasiment sûr qu'il y a de la glace sous la surface de Cérès, est-ce que la seule présence de glace dans la quantité que l'on suppose compte tenu de sa densité est un élément qui plaide en la faveur de sa formation au bord du système solaire plutôt qu'à l'endroit où elle est aujourd'hui? J'aurais tendance à dire oui. C'est le contrôle de Pierre, quand même. Pas forcément, moi, je dirais non. Pierre Van Hazard. Oui. Oui, dans les modèles actuels, on suppose en fait que la ligne de glace, d'accord, là où il y avait la glace condensée sous forme solide, finalement, elle est représentée par Jupiter. Si on a un Jupiter si massif, les scénarios actuels voient bien une formation de Jupiter exactement là où se trouvait la ligne de glace. Donc, si vous voulez, au-delà de Jupiter, on aurait de la glace d'eau de manière, partout, hein, distribuée dans le disque partout. Et donc, tout objet formé au-delà de Jupiter aurait de la glace d'eau en abondance. Donc, discriminer entre une formation juste au-delà de Jupiter ou alors bien au-delà de Neptune, c'est-à-dire vraiment aux confins du système solaire, ça, c'est pas la glace d'eau qui va nous le dire. Mais par contre, sa composition, oui. Sa composition isotopique, oui. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Astéroïdes d'Orval Carlos Sibelius sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons non pas d'un astéroïde, mais d'un ex-astéroïde en quelque sorte qui a été reclassé en planète naine. En 2006, nous parlons de Cérès tout au long de cette heure en compagnie ici à Paris avec Philippe Rousselot, Philippe Rousselot, professeur à l'Université de Franche-Comté, chercheur de l'équipe Space de l'Institut Utinam de l'Observatoire de Besançon et en duplex depuis les studios de nos collègues de France Bleu Provence à Aix avec Pierre Vernaza qui est chargé de recherche CNRS et chercheur au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Alors outre la présence de glace d'eau que nous avons commentée dans la première partie de cette émission, une étude publiée en 2014 atteste de la présence de jets de vapeur d'eau à la surface de Cérès. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Cette étude a été co-signée par des chercheurs français que vous êtes allés rencontrer au laboratoire du LESIA à l'observatoire de Meudon. Oui, je suis allée voir Dominique Bocquelet-Morvan et ça faisait longtemps qu'on soupçonnait la présence d'eau sur Cérès. Et c'est grâce au télescope spatial Herschel qu'ils ont pu, avec son équipe, véritablement en détecter en 2012-2013. Et pour savoir sous quelle forme était cette eau, ils se sont basés sur des mesures en spectrométrie et en infrarouge pour comprendre qu'il s'agissait de gaz, de vapeur d'eau. La question alors est de savoir ce qui déclenche ces vapeurs d'eau et surtout de comprendre l'origine de l'eau sur Cérès. Cérès, cet objet a été assez rapidement intriguant. En fait, on avait estimé que 25% de cet objet était de l'eau sous forme de glace. Du coup, ça nous intéressait d'essayer de voir si cet objet n'avait pas une petite atmosphère composée d'eau. D'autant plus que des observations anciennes, c'était un instrument ultraviolet qui s'appelait l'International Ultraviolet Explorer. Et cet instrument avait, dans les années 90, détecté le radical OH qui est un produit de la photodissociation de l'eau. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'instrument Herschel, on a détecté la vapeur d'eau bien avant que Dawn soit en orbite autour de Cérès. Donc les astronomes qui travaillaient sur les observations faites avec les instruments de Dawn, ils étaient très intéressés à essayer de détecter l'eau à partir des instruments de Dawn. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu mesurer, dans quelle gamme de radiation et comment vous avez pu analyser ces rayonnements pour en déduire qu'il y avait des vapeurs d'eau? Alors, sur l'instrument Herschel, ce sont des instruments qui examinent les ondes dans le domaine submillimétrique et le domaine infrarouge lointain. Alors, ces longueurs d'onde, en fait, elles ne sont pas observables pour la plupart du sol. L'eau est très difficilement observable du sol parce que l'atmosphère terrestre est remplie d'eau. Et donc c'est pour ça que pour les observer, il faut envoyer des télescopes dans l'espace. Et l'eau a des émissions qui sont dans le domaine submillimétrique, qui ne peuvent donc pas être observables du sol. Donc nous, on a observé une longueur d'onde qui est de 0,5 mm. Ça correspond à une fréquence de à peu près 500 GHz. Mais comment vous avez pu déduire de ces mesures-là la présence d'eau ? Toutes les espèces moléculaires ont un rayonnement. Et les molécules, elles émettent à des fréquences bien particulières. Donc si on observe à ces fréquences et qu'on voit un signal à cette fréquence-là, on peut en déduire que cette molécule est présente. Donc ça fait ce qu'on appelle une raie d'émission, c'est-à-dire qu'on observe à une fréquence un petit peu différente, on n'observe rien, pas de signal. Et si on observe exactement à la fréquence d'émission de la molécule d'eau, on observe du signal. Est-ce que ces raies d'absorption ont pu indiquer l'état des molécules d'eau ? Est-ce qu'elles étaient dans un état vaporeux ou dans un état plutôt glacé, solide ? Alors ces émissions qu'on observe, c'est des émissions moléculaires en état de gaz. En fait, ces émissions dans le domaine submillimétrique, ça correspond en fait à la rotation de la molécule. Quand la molécule tourne, elle est sous forme gazeuse, elle tourne, et donc elle va émettre ses transitions, ses raies. Mais dans l'état solide, en fait, elle ne va pas tourner, et donc ces transitions, on ne les observe pas quand la glace est en état solide. Pour mesurer la glace en état solide, il faut utiliser l'infrarouge. Et en particulier, c'est comme ça qu'avec Dawn, il y avait un instrument infrarouge, et Dawn a pu mesurer des raies qui sont dues à la glace d'eau, sous forme solide donc. Donc c'est de la glace qui est sublimée en vapeur d'eau. Est-ce que ce processus se fait de manière continue, ou est-ce que ça se fait à mesure que Cérès se rapproche du Soleil, comme c'est le cas typiquement au mois d'avril En ce moment, on dit que Cérès se rapproche du Soleil et que c'est l'occasion peut-être d'affiner les observations. Alors justement, c'est toute la problématique. C'est que donc avec Herschel, on a observé Cérès à différentes périodes qui correspondaient à des distances au Soleil de Cérès qui étaient variables. Et donc effectivement, on a vu une corrélation, c'est-à-dire que plus Cérès était près du Soleil, plus on détectait une grande quantité de vapeur d'eau. Donc effectivement, cela laissait suggérer que ce qu'on voyait, c'était de la sublimation. Parce que quand Cérès est plus près du Soleil, sa température de surface est plus élevée, donc ça peut augmenter la sublimation de la vapeur d'eau. Cependant, les observations dont je vous ai parlé, gamma et de neutrons, enfin détection de neutrons de Down, ont montré qu'au niveau des latitudes qui sont éclairées par le Soleil, la glace d'eau était très très profonde. Donc en faisant des calculs, on a pu montrer que cette eau qui est très profonde, cette glace d'eau qui est très profonde sous la surface à plusieurs mètres, sa sublimation ne pouvait pas expliquer ce qu'on observait. Alors, il y a un autre mécanisme qui a été proposé, qui a fait l'objet d'un article. Alors c'est un petit peu compliqué. Ce qu'ils ont observé, c'est que ces émissions de vapeur d'eau étaient corrélées à des éruptions solaires. C'est-à-dire que Herschel avait détecté des grandes quantités d'eau quand il y avait eu une éruption solaire. Alors ces éruptions solaires, ce sont des éruptions qui sont très énergétiques, ce qu'on appelle des protons. Quand ces protons énergétiques tapent la surface de Cérès, ces protons s'enfoncent sous la surface et peuvent décoller en quelque sorte des molécules d'eau, et ces molécules d'eau vont se trouver dans l'atmosphère. Donc le mécanisme maintenant qui est proposé, c'est pas la sublimation de l'eau, mais en fait c'est ce qu'on appelle le sputtering. En fait c'est des protons qui détachent en fait des molécules d'eau profondément sous la surface. Voilà l'étude de ces jets de vapeur d'eau à la surface de Cérès. J'aimerais une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Philippe Rousselot. Oui, alors tout à fait, c'est très intéressant ce qu'a expliqué Dominique. Et effectivement, d'abord le fait que Cérès soit capable d'émettre de la vapeur d'eau et le mécanisme avec lequel donc Cérès émet de la vapeur d'eau est une des grandes questions qui se pose actuellement sur Cérès. Et l'article originel qui a été publié donc à partir des données Herschel en 2014 reproduit l'orbite de Cérès avec différents points. On voit les détections et non-détections. Et sur cette première analyse, ça semblait effectivement corrélé avec la distance héliocentrique. Il se trouve, ça par contre ça n'a pas été publié, mais ça le sera bientôt, que les observations très récentes qui ont été faites il y a 2 mois maintenant, donc pratiquement au périhélie, quand Cérès était au plus près, avec une autre méthode, hein, pas en infrarouge, mais au contraire en UV pour le OH, montre qu'il n'y a justement pas eu de... Avec a priori une sensibilité à peu près similaire, on n'a pas détecté de vapeur d'eau autour de Cérès. On sait également d'ailleurs au moment de ces observations qu'il n'y avait pas de particules énergétiques très énergétiques qui frappaient la surface de Cérès. Pas d'éruption solaire, parce que c'est les observations qu'on a fait en liaison avec les Américains. Il y avait Down en orbite qui a pu nous confirmer qu'il n'y avait pas de particules chargées qui frappaient Cérès à ce moment-là. Donc effectivement, ça semblerait a priori accrédité, mais il faudrait quand même le vérifier justement pendant une éruption solaire, que le mécanisme, je dirais, un petit peu classique qu'on a sur une comète où l'eau se sublime sous l'action de rayonnement solaire n'est pas ce qui se passe sur Cérès. Mais c'est quand même un sujet en pleine recherche, c'est très difficile au niveau observationnel, parce qu'il faut avoir du temps d'observation, il faut l'avoir exactement au moment d'une éruption solaire. Et je peux même vous dire que quand on a déclenché les observations il y a 2 mois, il y avait une éruption solaire qui frappait la Terre, mais qui n'est pas arrivée sur Cérès. Ah. C'est très compliqué parce que les particules ne se déplacent pas en ligne droite, elles suivent des lignes de force du champ magnétique solaire. Donc d'un point de vue observationnel, c'est très compliqué à faire. Et malheureusement, on n'a plus de satellites infrarouges qui peuvent faire les observations en ce moment. Herschel n'est plus en activité, donc on est obligé d'essayer d'observer avec des télescopes au sol donc les raies de OH au bord de Cérès et non pas directement le H2O. Donc pour ça, c'est un peu compliqué, mais c'est une des questions effectivement qui intéresse beaucoup les scientifiques à l'heure actuelle. Pierre Vernaza, en réaction au reportage, et puis on parlera un peu aussi de ce que doit observer Down, puisque là, pour le coup, on est en plein dans le périhélie et que Down est encore là, sa mission a été prolongée, on verra ce qu'on peut attendre précisément de ces observations. Mais avant cela, sur le reportage ou sur ce que vient de dire Philippe Rousselot. Oui, je confirme ce que dit Philippe. Hein, ça semble l'hypothèse de ces particules du vent solaire qui viendraient créer une espèce de petite exosphère transiente semble assez probable, hein, puisque effectivement seulement le passage au périhélie semble insuffisant comme explication. Pour ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup de glace d'eau à la surface. Il y en a très peu à la surface de Cérès. Elle est plutôt sous la surface. Et lorsqu'elle est présente, elle est plutôt dans des cratères, au fond, dans des ombres à l'ombre. Donc c'est vrai que cette glace à la surface n'est probablement pas suffisante pour expliquer ces émissions de vapeur d'eau. Et il faut peut-être aller chercher un processus plus énergétique qui va vraiment chercher la glace là où elle se trouve en quantité, c'est-à-dire plus en profondeur. Et ça pourrait bien être lié donc à des éruptions solaires, effectivement. Est-ce que justement la prolongation de la mission Dawn, aujourd'hui son observation en plein milieu du périhélie, peut du coup infirmer cette hypothèse du périhélie et de l'approche du Soleil pour justement provoquer ces jets de vapeur d'eau ou pas du tout? Dawn ne peut pas détecter directement la vapeur d'eau. Donc sur cet aspect, il y a des informations indirectes parce qu'on a le taux de particules chargées qui frappe la surface de Cérès. Mais je ne pense pas que sur cette question particulière, Dawn puisse vraiment trancher. Je confirme, tout à fait. Par contre, on pourrait peut-être rebondir un peu sur le problème de l'eau sur Terre, parce que si l'eau nous excite beaucoup sur les astéroïdes, c'est quand même parce qu'on en a chez nous. Et si on en a chez nous, si on est là pour en parler aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'il y a de l'eau sur Terre. C'est quand même une question fondamentale pour la vie sur Terre. Comme on a parlé tout à l'heure, il y a un traceur important de l'origine de l'eau, c'est le rapport deutérium sur hydrogène. Donc on peut le mesurer avec précision sur Terre. Il varie un petit peu suivant les endroits. Enfin, il y a des petits fractionnements, mais c'est marginal. On a une valeur moyenne qui est bien connue. Et on peut le comparer à ce qu'on voit ailleurs dans l'univers. Donc il y a une source d'objets qui vient tout de suite à l'esprit, on va dire. Ce sont les comètes. Il se trouve que quand on le mesure dans les comètes, donc la plupart des cas où ça a été mesuré, ça ne correspond pas. Il y a eu une comète périodique, c'était 103 Pertes les deux, il y a quelques années, qui avait une valeur qui correspondait, donc ça a beaucoup excité les gens. Mais finalement dans les autres cas, ça ne correspond pas. Rosetta, sur la comète Churyumov-Gerasimenko, a trouvé une valeur largement supérieure, donc ça ne correspond pas. Donc l'autre source, en fait, a priori d'eau, viendrait justement de la ceinture d'astéroïdes. Alors ça, on peut le dire parce qu'on a des météorites qu'on a sur Terre, avec des éléments hydratés, et là, on peut faire des rapports des surhaches, et il se trouve que là, ça correspond. Donc, a priori, l'eau viendrait beaucoup plus des astéroïdes que des comètes, sans doute des deux, mais plus des astéroïdes que des comètes. Et le fait qu'on ait autant d'eau sur un astéroïde comme Cérès, c'est un argument supplémentaire pour dire que l'eau sur Terre pourrait venir des astéroïdes. Ce serait sans doute produit. Alors, je précise quand même que la Terre, initialement, devait être sèche, parce qu'elle s'est formée dans une zone relativement proche du Soleil. En plus, il y a eu un impact qui a créé la Lune, même s'il y avait un peu d'eau, ça... Avec Tétis, c'était le sujet de notre émission la semaine dernière. On va mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, puisque Twitter est revenu dans le studio, donc je peux vous le dire à nouveau. Voilà, donc l'eau a sans doute été apportée après la formation de la Terre. Et le modèle de Nice suggérerait que ça se soit produit quelques centaines de millions d'années après, 600, 700 millions d'années, enfin dans ces eaux-là. Donc justement, quand il y a cette perturbation massive de tous les petits corps et que des objets de la ceinture d'astéroïdes auraient pu frapper la Terre de façon relativement abondante et apporter de l'eau. Donc le fait qu'on ait de l'eau sur Cérès est un argument supplémentaire pour dire qu'il y a de l'eau dans la ceinture d'astéroïdes et qu'on peut effectivement qu'elle a pu éventuellement être à l'origine de l'eau sur Terre, sachant que là encore, on aimerait bien avoir un rapport des surhaches sur Cérès, qu'on n'a toujours pas. Ça, on l'a bien compris, mais on parlera tout à l'heure des prochaines missions. Peut-être un mot, Pierre Vernaza, sur toujours cette question de l'eau, puisque elle pose, outre la question de la provenance de cette eau, on dit qu'il y a de l'eau sous la surface, mais est-ce qu'on sait à quelle profondeur? Est-ce qu'on connaît finalement la composition exacte du manteau, du noyau? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut avoir des preuves observationnelles de la présence d'un océan souterrain, voire de traces, de restes d'un ancien océan de surface, quitte à ce que ce soit un océan de glace? Alors, à l'heure actuelle, pour ce qui est de la structure interne, pour l'instant, les modèles ne peuvent pas dire exactement de quoi serait fait le noyau. Est-ce que ça serait un noyau rocheux? Est-ce qu'on peut même imaginer un tout petit noyau métallique? Il n'y a pas de réponse univoque à cette question. La plupart des modèles avaient prédit la formation d'un objet comme un petit peu les satellites galiléens, ou avec une enveloppe une couche de glace externe d'une 50 à 100 km d'épaisseur. Et alors cette couche externe, avec Cérès étant injectée dans le système solaire interne, aurait disparu, serait dévolatilisée. Et ce qu'on observe aujourd'hui un petit peu, c'est en fait cette interface entre un océan liquide primordial et un petit peu le noyau rocheux, le manteau rocheux. Et on a vraiment l'impression d'avoir l'interface entre un océan primordial et un petit peu la sous-surface qui nous est exposée aujourd'hui en observant la surface de Cérès. Un petit peu ce qu'on essayerait de voir, puis finalement, dans le cas par exemple des satellites galiléens, on sait que, enfin, il est très vraisemblable que Europe possède un océan sous sa surface qui est en interaction avec des silicates, avec un manteau rocheux. Et finalement, on en est quasiment sûr, oui, on en a parlé aussi nombreuses fois ici. Oui. Et via Cérès, on a quelque part cette chance de pas avoir cette couche de glace, cette croûte qui nous obscurcit la vision, et on a un peu directement accès à finalement cette interface entre un océan primordial et la sous-surface. Et c'est un peu ce qu'on semble comprendre quand on voit la surface de Cérès, en fait. Alors, se pose évidemment la question, on parle d'eau, d'ancien océan, de glace sous la surface. Tout à l'heure, on parlait d'éléments carbonés, de carbonate de sodium, éléments carbonés, éléments organiques plus vapeur d'eau. Philippe Rousselot, est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y a eu, à un moment donné, peut-être, pourquoi pas, des traces de vie primitive, de vie micro-organique sur Cérès? Effectivement, on peut dire que Cérès rejoint un petit peu le club relativement fermé, entre guillemets, des endroits dans le système solaire où, qui dit eau liquide et dit donc éléments qui pourraient être à l'origine de la vie, pourraient effectivement accueillir des formes primitives de vie. Alors dans ce club très fermé, vous avez Mars, par exemple, Europe. Encelade. Enfin, les endroits où on trouve de l'eau liquide. Peut-être Ganymède. Peut-être Ganymède aussi, oui. Oui, donc effectivement, sachant que c'est quand même pas un gros objet, enfin bon, on n'aura pas quelque chose d'extraordinaire puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, mais dans les profondeurs, avec de l'eau liquide, on pourrait envisager effectivement des formes de vie primitives. Pierre Varnaza, votre opinion sur ce sujet ? Je pense aussi. Alors ensuite, je pense pas que on est complètement compris. On est loin d'avoir compris l'apparition de la vie. Mais les éléments qui sont typiquement évoqués, c'est-à-dire la matière organique, l'eau, de l'énergie, sont tous présents sur Cérès, hein, même encore aujourd'hui, puisque finalement il y a une certaine activité à la surface. Il y a des structures géologiques qui apparaissent. Donc cet objet n'est pas géologiquement éteint. Et donc oui, je pense que c'est une cible idéale pour en termes d'astrobiologie. C'est vraiment un objet majeur pour l'exploration future. Une publication de février 2017 dans Science par une équipe italo-américaine qui détecte la présence de longues chaînes carbonées dans une zone de 1000 km² qui précise que ces chaînes carbonées auraient été produites sur place et pas apportées par des bombardements qui auraient détruit ces chaînes. Pierre Varnaza, ça veut dire donc qu'il y a des éléments organiques endogènes sur Cérès ? Oui, exactement. Donc, leur étude est assez convaincante dans la mesure où, effectivement, on a du mal à concevoir un apport exogène pour ces organiques qui, via impact, ne seraient pas stables, en fait, et on les observerait plus. Donc, effectivement, une source endogène semble la plus probable. Et une formation de ces organiques à la manière des phytosilicates et des carbonates qui sont observés, c'est-à-dire finalement via la présence d'eau liquide, semble très probable, très à l'heure actuelle. Philippe Rousselot ? Pas mieux. Oui, on est dans le probable. Oui, enfin, a priori, oui, ça pourrait expliquer, oui. Alors, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. On a parlé de la fin de la mission Dawn. Qu'est-ce qu'on peut espérer, puisque vous venez de le dire, Dawn ne peut pas détecter les jets de vapeur à la surface de Cérès. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la prolongation et de la fin de cette mission Dawn, Philippe Rousselot ? Un suivi temporel plus long de ce qui se passe sur Cérès, ça c'est toujours important. Une définition plus fine de ce qu'il y a à la surface. Après, je pense que la plupart des observations vraiment intéressantes ont quand même déjà été faites, sachant que c'est toujours pareil avec le spatial, il faut quand même un certain temps pour digérer la masse de données observationnelles et en tirer toute la substance scientifique. Je pense pas qu'il y aura de grosses découvertes majeures faites dans les mois qui viennent. Ça fait quand même 3 ans qu'elle est en orbite autour de Cérès. Elle est beaucoup plus proche, elle est à 200 km de la surface qu'elle ne l'a été avant, elle va se rapprocher petit à petit. Est-ce que cette proximité peut changer quelque chose ? Pierre Varnaza ? Possiblement, oui. Je veux dire, on aura. Il est régulièrement arrivé dans le spatial qu'en voyant vraiment des micro-détails, ça révèle de nouveaux processus, donc on ne peut pas les exclure parce qu'effectivement, l'orbite Dawn va être sur des orbites bien plus basses, donc on aurait une meilleure résolution à la surface en termes d'image, en termes de spectre collecté. Pourquoi pas trouver de nouvelles choses ou trouver, avoir une meilleure vision de ces zones particulières que sont les taches brillantes, que sont les zones où il y a des organiques. Donc peut-être mieux comprendre leur formation et leur enchevêtrement avec les autres composés qui sont autour d'eux. Quelle est la suite pour CERES, puisque manifestement c'est un terrain propice et qu'il reste encore beaucoup de choses importantes à découvrir, notamment le rapport isotopique de l'eau, on l'a entendu, mais pourquoi pas effectivement des traces d'autres types de matières organiques. Quelle est la suite, Philippe Rousselot? Là, je pense que j'ai laissé Pierre parler, puisqu'il est responsable d'un projet très intéressant. Tout à fait, alors allez-y, Pierre Vernaza. Bah oui, du côté européen, à l'époque, on avait proposé une mission qui s'appelait Nautilus, c'est vraiment pour retourner sur CERES. Alors, on devait jouer avec un budget serré qui était, parce que les comptes, quand on propose des missions, en fait, on a une enveloppe budgétaire qui est fixe pour côté Agence Spatiale Européenne. Et si la mission qu'on propose ne rentre pas dans les budgets, on est descopé immédiatement. Donc, nous, ce qu'on proposait, c'est un nouvel orbiteur pour observer et étudier les plumes avec des instruments adéquats. Les plumes, ce sont les jets de vapeur d'eau, hein. Exactement. Instruments qui ne sont pas à bord de Dawn. Mais la mission la plus logique, très honnêtement, c'est d'atterrir à la surface de Dawn avec un lander ou un rover, ça serait encore mieux. Et vraiment d'aller explorer les à la surface de CERES, pas à la surface de Dawn. Excusez-moi, à la surface de CERES. Et d'aller vraiment dans les zones d'intérêt, vraiment d'aller dans les zones où il y a de la glace à la surface. Sachant qu'il y a de la glace en sous-surface, un rover équipé d'un quelque chose qui peut perforer la surface à un mètre de profondeur serait très bien pour amener des échantillons et pouvoir les analyser avec les instruments à bord du rover. Donc à l'heure actuelle, les Américains sont vraiment en train de réfléchir à une nouvelle mission pour les appels à mission qui vont venir lors des prochaines années pour vraiment proposer une nouvelle mission qui serait dans ce goût-là, c'est-à-dire vraiment avec un atterrisseur. Cette mission Nautilus, elle n'est pas tout à fait morte et enterrée. J'ai vu qu'elle avait été remise sur la table en M5 avec une décision possible en novembre de cette année. Non ? Alors, oui, enfin, je pense que la mission, pas vraiment, enfin, pas à ma connaissance. Hein, les décisions M5 vont d'ailleurs venir normalement, s'ils respectent leur calendrier, le mois prochain. Ah, plutôt que prévu, j'avais lu. D'accord. Ouais. Et a priori, non, Nautilus n'a pas été repêché pour cette phase d'investigation. Donc ça veut dire qu'il faut s'en référer ou qu'il faut attendre plutôt un projet NASA. Ce projet NASA, on sait qu'il y a beaucoup de projets en cours. Il y a des projets pour les lunes glacées de Jupiter. Il y a aussi d'autres projets japonais. Est-ce qu'on peut imaginer poser un petit lander à la surface de CERES d'ici 20-30 ans, ou est-ce que c'est espérer un peu trop, à votre avis, Pierre Vernaza? En termes de technologie, je pense qu'il n'y a aucun facteur limitant. Hein. C'est un petit peu atterrir sur un objet qui est un peu moins, enfin qui a une gravité un peu plus faible que la Lune, mais c'est un objet tout à fait adapté pour un lander et dans une certaine mesure pour un rover. Donc je pense qu'il n'y a pas de facteur limitant. Il y a de missions qui sont en cours déjà, des missions de retour d'échantillons vers des astéroïdes qui ont développé des technologies. Dans ce sens, il y a des missions à l'étude côté japonais pour mettre un rover et franco-japonaise en fait, hein, pour mettre un rover sur les lunes de Mars, Phobos notamment. Donc on voit vraiment qu'on entre dans cette ère où on est capable de faire ça. Alors le faire sur CERES, ça impliquait un rover un peu plus complexe, un peu plus intelligent, c'est-à-dire avec des rétrofusées, un peu comme quand on atterrit sur la Lune, on ne peut pas simplement mettre quelque chose qui va atterrir simplement sur l'objet dû à la gravité. Eh bien écoutez, on va suivre ça de près. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Philippe Rousselot, merci beaucoup Pierre Vernaza d'avoir accepté notre invitation. Merci également aux collègues de France Bleu Provence à Aix pour le duplex. Et puis merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Sarah Igeman, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Audrey Guélil à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est dans un instant le deuxième épisode de la série documentaire de la semaine de Céline Duchesne et de Laurent Polleret consacré aux sorcières. L'épisode du jour, c'est un épisode sur la sorcellerie. Tout à l'heure, après le journal de 18h à 18h20, du grain à moudre, les neurosciences prennent-elles trop de place à l'école ? Demandera Hervé Gardette à ses invités. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous nous projetterons dans le futur, mais dans les airs. Nous nous demanderons où va l'aéronautique et à quoi ressemblera l'avion de demain. Ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.